éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Cette fois-ci, je voudrais vous parler d'une femme qui a osé défier la Révolution française. Une femme qui a réclamé l'égalité et qui a payé le prix fort pour cela. Elle s'appelait Olympe de Gouges. Née en 1748 à Montauban, elle grandit dans une société où les femmes n'avaient presque aucun droit. Elles ne pouvaient ni voter ni participer à la vie politique et étaient considérées comme juridiquement inférieures aux hommes. En 1789, lorsque la Révolution française proclame les droits de l'homme et du citoyen, en scandant la devise « liberté, égalité, fraternité », Olympe comprend vite que ces principes ne concernent absolument pas le sexe féminin. Elle refuse de l'accepter et décide d'agir. 2 ans après, en 1791, elle rédige un texte audacieux, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans lequel elle affirme que les femmes naissent libres et égales aux hommes en droit, et elle réclame notamment le droit de vote, l'égalité devant la loi et même le droit au divorce. Ce geste est trop audacieux pour ceux qui dirigent la Révolution et pour l'époque, car elle critique la violence politique et s'oppose à certaines décisions des révolutionnaires les plus radicaux, ce qui l'a conduit à être arrêtée en 1793, puis condamnée à mort et guillotinée quelques mois plus tard. Pendant longtemps, son engagement n'a pas été pleinement reconnu et son texte n'était pas étudié, ce qui a réduit son action à une simple opposition politique. Aujourd'hui pourtant, elle est considérée comme l'une des premières grandes figures du féminisme français et son combat continue de résonner. Olympe de Gouges n'a pas seulement écrit un texte, elle a défendu ses idées jusqu'au bout face à l'injustice et au pouvoir. Elle est morte parce qu'elle a exigé que les femmes aient les mêmes droits que les hommes.